Et moi, je vais lire le texte ce matin de la Bible du Semeur. Certaines d'entre vous, vous avez le Louis II ou le Français courant, et vous allez tout de suite... et vous allez tout de suite apercevoir qu'il y a les grandes différences de traduction, surtout dans le verset 3 et dans le verset 6. Le psaume 110. Et encore, comme on a vu les autres semaines, la souscription, ce qui se trouve au début du texte en italique, est important, surtout aujourd'hui. Psaume de David. Déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel éteindra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte. Et du sein de l'aurore, tous les jeunes guerriers se présenteront vers toi comme née la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne se repentira pas. Tu seras où tu es, un sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge des nations, des cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit de l'eau d'un torrent, puis il relève la tête. Jusqu'à date, depuis le mois de mai, nous avons fait un psaume chaque dimanche. Si vous vous souvenez bien, on a vu comment le psaltier est comme des appuis-livres. On a vu le psaume premier, donc « Heureux la personne ». Et on a vu les trois choses que la personne ne fait pas, mais ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle médite jour et nuit la loi de l'Éternel. Mais on a vu qu'à l'autre côté de l'appui-livre, le psaume 150, c'est un chant de louange. Donc, le psaltier commence avec une méditation dans ce que Dieu révèle, mais le psaltier termine avec la louange. Donc, entre-temps, Michel nous a introduit au psaume de malédiction. Les psaumes où il y a vraiment des textes incroyables, des textes de malédiction. Et des fois, on pose la question, comment ça se fait que David, que l'auteur, peut être si sévère? Et on voit un petit parti de cette malédiction dans le psaume 110. On a vu aussi avec Yann le psaume le plus connu dans le psaltier, le psaume 23. Et vraiment, ça prenait un Africain avec un arrière-plan comme berger pour ouvrir pour nous à une interprétation sur le psaume 23. Depuis deux semaines, Marc et Samuel ont ouvert pour nous les psaumes des montées, où nous avons vu l'importance de louer Dieu dans la tradition juive. Le psaume 145, un psaume acrostiche, où nous avons vu comment le psaltier a parlé des attributs de Dieu, mais de façon selon l'alphabet hébreu. Il reste un autre genre littéraire dans les psaumes que nous n'avons pas encore touché. Et pour cette raison, j'ai choisi ce matin le psaume 150, le psaume 110. Parce que ce psaume est ce qu'on appelle un psaume royal. Et il y a une dizaine des psaumes ce qu'on appelle des psaumes davidiques, donc les psaumes de David, mais qui ont vraiment un touche royale. Et vous l'avez vu dans les premiers versets. Mais ce psaume est de loin le plus compliqué à traduire de l'hébreu. Dans le verset 3, il y a au moins 4 expressions, et vous allez les voir dans vos notes en bas de page, où c'est presque impossible de saisir qu'est-ce que le psalmiste veut communiquer. Donc, certaines parties sont difficiles à comprendre, mais dans l'ensemble, ce psaume royal est très facile à comprendre. Et il est donc pour cette raison que c'est le psaume le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Et il y a 2 versets, le verset 1er et le verset 4, qui sont cités à plus que 10 fois dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas simplement les citations, il y a aussi des allusions qui font en sorte que ce psaume est le psaume préféré des écrivains et des auteurs néo-testamentaires. Juste avant de commencer, on a vu dès le début que le psaltier, en tant que livre, a été rédigé d'une façon assez importante. Donc, mes appuis-livres, le psaume 1 et le 150, ont été faits intentionnellement par le rédacteur de nous parler des deux choses les plus importantes du vécu juif. Dans le psaume 109, nous avons un psaume de malédiction. Donc, un psaume où le psaltier, comme on dit en bon québécois, il blaste les ennemis. Mais il termine en disant, je célébrerai l'Éternel à pleine voix, je le glorifierai parmi les foules nombreuses, car il se tient à la droite des pauvres. Où est-ce qu'il commence? Dans le psaume 110? Le Seigneur dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Donc, le rédacteur des psaumes était intentionnel en disant, ce Dieu qui se tient à la droite des pauvres est aussi le Dieu roi. Donc, il y a même dans la rédaction quelque chose d'important. Mais afin de faciliter notre étude ce matin, j'ai décidé juste d'utiliser une approche inductive afin de mieux comprendre le sens de ce psaume. On va commencer avec la question d'observation. Qu'est-ce que le psaume dit? Ensuite, on va poser la question de compréhension. Qu'est-ce que le psalmiste veut enseigner? Ensuite, le troisième, la question de corrélation. Quelle est la place de ce psaume dans l'ensemble du projet de Dieu tel que révélé dans les Saintes Écritures? Afin de terminer avec la quatrième question inductive. Qu'est-ce que le psaume veut nous dire aujourd'hui? Mais commençons avec la première question. Qu'est-ce que le texte dit? Évidemment, il y a un élément très unique dans le psaume. L'auteur, David, un auteur roi, un auteur royal, un auteur dominant, un auteur qui a la puissance totale, ici-bas, s'adresse la parole à une personne plus royale que lui. Et tout de suite, nous avons un clin d'œil sur l'importance de ce psaume. Le roi s'adresse la parole à quelqu'un qui est plus roi que lui. Et la structure du psaume est maintenant importante à la lumière de cela. Parce que dans la structure hébraïque, il y a trois strophes avec sept éléments en hébreu. Donc, les versets 1 et 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il y a une petite strophe, le verset 7, qui est comme la conclusion. Mais en hébreu, quand vous répétez une chose trois fois, ça veut dire que c'est une allusion à un vœu, à l'alliance, à quelque chose incontournable. Donc, par exemple, le seul attribut de Dieu qui est répété trois fois, c'est l'attribut ou la perfection ou la qualité de sa sainteté. Isaïe dit en Isaïe chapitre 6, le Dieu trois fois saint, qui parle de ce vœu, cette alliance, cette perfection incontournable de Dieu. Le fait qu'il est pas simplement séparé du mal, mais qu'il est entièrement consacré et dédié à son peuple. Et Jean, dans l'Apocalypse, le recite dans le chapitre 1er, le Dieu trois fois saint. Donc, le fait que ces trois strophes, avec ces sept éléments, sont répétés, souligne que dans sa forme, dans la structure du psaume, nous avons un élément prophétique. C'est comme David, le roi, avec la structure du psaume, voulait dire quelque chose de prophétique. Et qu'est-ce qu'il dit? La première strophe, le verset 1 et 2. Celui à qui la parole est adressée est tout d'abord assuré de la royauté. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Donc, la personne royale dit à quelqu'un plus royal que lui, et il dit, « Assieds-toi à ma droite. » La droite, dans le texte hébreu, dans la culture hébreu, soulignait la place d'honneur, la place de dignité, la place de l'intimité, où la dominion, l'exaltation, la participation dans la royauté est assurée. Donc, dès le début, celui à qui la parole est adressée est assuré d'être dans la place de dominion et d'exaltation. Il est roi. Et il met ses ennemis en dessous de ses pieds. Un marchepied, un escabeau. Littéralement, le roi, dans le temps canaanite, dans le temps des rois hébreux, était toujours assis au-dessus des autres. Et de cette façon, nous avons maintenant même des images des rois à l'époque qui ont mis la tête de leurs ennemis, même le cou, la nuque de leurs ennemis en dessous de leurs pieds, pour souligner graphiquement qu'il était dominant. Donc, dans le texte, nous avons probablement une image soit de David lorsque l'arche est entrée à Jérusalem, ou probablement quand l'armée israélite a gagné des guerres. Et David se souvenait que lui, dans la position de royauté, dans la place haute, dominante, avait ses ennemis sous ses pieds. Et maintenant, lui, le roi, s'adresse à quelqu'un plus royal que lui pour dire, « Moi, je vais m'asseoir à côté de ce roi et tous mes ennemis vont être sous mes pieds. » Donc, dans le premier strophe, nous avons déjà cet énoncé que le psaume souligne la royauté, la domination du roi. Donc, dans sa structure, le psaume est prophétique. Dans le premier strophe, le roi, il est vraiment roi. Il domine. Il est assis à la droite de ce Dieu dominant. Dans le deuxième strophe, les versets 3 et 4, celui à qui la parole est adressée il n'est pas simplement roi, mais maintenant, il va y avoir une continuité avec le règne sacerdotal, le règne de la prêtrise. Et dans les versets 3 et 4, maintenant, le roi, il n'est pas simplement dominant, mais il est aussi le plus grand prêtre qui ait jamais existé. Et le texte dit que ce prêtre va exercer sa sacerdotale pour l'éternité. Mais l'expression ici en hébreu, pour l'éternité, n'est pas simplement une question de temps, mais pour l'éternité dans le sens que sa nature est immuable, inchangeante. Donc, sa prêtrise va continuer, pas simplement sans cesse, mais elle ne va jamais changer. Maintenant, le verset 3, la première partie du deuxième strophe, est, comme j'ai déjà dit, est presque intraduisable. Écoutez quelques exemples. Voici comment la Bible du Second a traduit le verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'horreur, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Dans le tobe, ton peuple est volontaire le jour où paraît sa force. Avec une sainte splendeur du lieu où naît l'horreur, te vient une rosée de jouvence. Ou dans le derby. Donc, j'ai opté pour le derby parce que c'est la traduction française la plus littérale possible. Ton peuple sera de franche volonté au jour de ta puissance, une sainte magnificence. Du sein de l'horreur te viendra la rosée de ta jeunesse. Maintenant, si vous voyez une ligne, un fil conducteur dans ces traductions, montre-le-moi. Je ne l'ai pas encore saisi. Mais quelle est l'idée? L'idée, c'est que quelque chose de nouveau va apparaître d'un lieu saint, peut-être même des montagnes. Et cette nouvelle chose va être comme la jeunesse ou comme la rosée du matin. Et qu'est-ce qui va apparaître? Dieu l'a juré, verset 4. Il ne se repentra point. Et qu'est-ce que Dieu a juré? Tu seras, ou plus littéralement, tu es un sacrificateur, un prêtre, pour toujours, à la manière, à la façon de Melchizedek. Maintenant, pour un juif, Melchizedek faisait référence à ce prêtre que Abraham a rencontré en Genèse chapitre 14. Melchizedek voulait dire littéralement le roi de justice. Il était à l'époque d'Abraham le roi de Salem, Sion, Jérusalem. La ville de paix. Il n'y a aucune trace de sa naissance ni de sa mort. Et chose intéressante, Abraham, avec qui Dieu a fait l'alliance incontournable de former un peuple pour remettre les choses dans leur ordre créationnel, maintenant Abraham a donné un dîme. Il a donné son don volontaire. Abraham, pour ainsi dire, a pris le sac de l'offrande et il l'a donné à Melchizedek. Et maintenant, ce texte dit que ce roi royal, ce roi dominant, va être comme Melchizedek. Pas comme Aaron, pas comme Moïse, pas comme les prêtres du Nouveau Testament. Mais il va être de la même manière, de la même façon que ce prêtre Melchizedek qui n'avait pas de commencement ni de fin, à qui Abraham a donné les dîmes et la révérence. Et ce roi dominant est maintenant pas simplement roi, mais il est le plus grand prêtre jamais connu dans l'Ancien Testament. Maintenant, on arrive au troisième stade. Donc, le texte est prophétique dans sa forme. Le premier strophe, le roi royal et roi dominant. Deuxième strophe, il n'est pas simplement roi, il est prêtre. Et maintenant, le texte change dans le troisième strophe. Et maintenant, le poète parle pour lui-même. Maintenant, la parole n'est plus adressée à ce roi qui va venir. Mais maintenant, le poète parle de lui-même. Et un combat est engagé. Une lutte aura lieu, mais il n'est pas le roi qui va lutter, mais c'est Dieu qui va lutter pour ce roi prêtre. Et le roi prêtre va s'asseoir à côté de Dieu pendant que Dieu lutte, fait le combat pour lui et il va gagner. Si c'est ça que le texte dit, passons à la deuxième question. Qu'est-ce que le texte semble enseigner? Comment pouvons-nous le comprendre? Ben, il est évident dans son contexte vétérotestamentaire, dans son contexte de l'Ancien Testament, David est en train de se distinguer de celui qui va venir. David a bien compris qu'il n'était pas Dieu. Parce qu'il dit que la parole est adressée à lui par ce roi plus royal que lui. Et David a prié à la fin de sa vie en 2 Samuel 23. Il attendait que son règne allait continuer, mais avec quelqu'un plus royal que lui. Donc, sa prière à la fin de sa vie se concordait avec ce qu'il avait écrit dans le psaume 110. Il est pour cette raison que les Juifs étaient un petit chez Moïse. Que les Juifs comprenaient le règne de Dieu d'une façon assez simple. Il y avait le siècle présent où David était roi. Et Dieu avait assuré une continuité dans son règne, dans sa royauté, qui allait continuer par son fils Salomon. Mais à un moment donné, un Messie allait arriver pour transporter le peuple dans le siècle à venir. Et le psaume 110 s'encadre parfaitement dans cette optique. On attend où Yahweh allait inviter les rois juifs de s'asseoir à côté de ce Dieu qui allait lutter pour eux. Et ils allaient être transportés dans une époque à venir. Ça, c'était la promesse de ce psaume. Mais ce psaume aussi enseigne que ce roi qui allait être plus dominant que David et Salomon allait être à l'époque roi, prophète et prêtre du jamais connu dans le système juif. Que dit le texte? Trois strophes. Qu'est-ce que le texte semble enseigner? Que quelqu'un plus important que David allait venir, mais quelqu'un qui allait transporter le peuple dans une victoire ultime. Et celui qui allait l'accomplir sera en même temps prophète, prêtre et roi, jumelés ensemble. Donc, la troisième question. Quelle est la place du psaume 110 dans l'ensemble du projet de Dieu tel que révélé dans les Saintes Écritures? La question de corrélation. Pour ainsi dire, on veut corréler ce petit texte dans l'ensemble de la Bible. Et comme j'ai déjà mentionné, Voici le psaume le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. De loin, il n'y a aucune comparaison. Surtout à cause du verset premier. Le Seigneur dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. » Et Jésus est le premier de le citer. Si vous vous souvenez, en Matthieu 22, c'est recité en Marc 12 et en Luc 20. Jésus, si vous vous souvenez, est dans un débat avec les pharisiens. Et Jésus dit, d'où vient le Messie? Et les pharisiens, de façon typiquement pharisiens et de typiquement juifs, ont dit, ben, il vient de David. OK? Vous voyez le schéma? Et Jésus a dit, donc comment ça se fait que David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, viens t'asseoir à ma droite. Donc, comment est-ce que David peut être le Messie s'il y a un Messie, selon lui, plus messianique que lui? Aucune réponse. Finalement, c'est Pierre, lors de la Pentecôte, qui interprète le psaume 110 de façon messianique. Pour expliquer que celui qui est assis à la droite de Dieu est Jésus-Christ, parce qu'il est prophète, prêtre et roi. Et afin de le bien souligner, l'auteur aux Hébreux, quand il dit que ce Jésus est plus grand que Moïse, il est plus grand qu'Aaron, il est plus grand que le plus grand sacrificateur, il est plus grand même que les anges. Et dans Hébreux chapitre 1er, l'auteur aux Hébreux cite le psaume 110 et il dit, à quel ange est-ce que la Bible a jamais comparé Jésus? Et il cite le verset 1er. Nous n'avons aucune trace dans la littérature juive que ce psaume a été interprété de façon Jésus-Christ, messianique. Aucune trace dans la littérature hébraïque. Mais dans le Nouveau Testament, ils ont compris que le verset premier est vraiment messianique. Ce Jésus est assis à la droite de Dieu dans la position d'autorité et lui, il domine. Et le verset 4, sur Melchizedek, l'auteur aux Hébreux, dans les chapitres 5, 6, 7 et 8, cite intégralement le verset 4 pour souligner que Jésus-Christ, comme prêtre, comme sacrificateur, est le plus grand sacrificateur, pas à la manière, pas à la façon d'Aaron, mais à la façon de Melchizedek, qui n'avait pas de commencement ni de fin, qui était le roi de justice et de paix, et à qui même Abraham prêtait serment. Il n'y a pas simplement les citations, mais il y a aussi des allusions du psaume 110. Et vous le voyez bien. Où Dieu va mettre les ennemis sous les pieds de celui qui est assis à la droite de Dieu. Et comment est-ce que Paul a interprété cela? Dans 1 Corinthiens 15, il dit très clairement que le plus grand ennemi de l'humanité est la mort. Mais Jésus, par sa résurrection, a mis même la mort sous les pieds de Jésus-Christ. Paul, en Éphésiens, dans sa prière en Éphésiens chapitre 1er, a dit que je prie pour que vous puissiez connaître quelle est la puissance. Cette même puissance qui a fait ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts et qui est maintenant assis à la droite de Dieu. Donc Jésus, en allusion, a vaincu la mort. Jésus, en allusion, est assis à la droite de Dieu dans la position d'autorité. Et ensuite, Paul, à la fin de sa vie, il invite les Colossiens. Encore une autre allusion. Il dit, « Puisque vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où Jésus est assis à la droite de Dieu. » Maintenant, la place de puissance et la place dominante. Donc, ce texte est vraiment messianique parce que Jésus est prophète, prêtre et roi. Qu'est-ce que le texte dit? Trois strophes. Qu'est-ce que le texte semble enseigner? Que dans une personne, les trois grands rôles sont jumelés. La place de ce texte dans l'ensemble de la Bible, les citations du verset 1er, du verset 4, mais avec des multiples allusions à cette idée d'être dans la position d'autorité, dans la position où la mort même est vaincue et où nous avons accès à ce Dieu dominant. Donc, qu'est-ce que ce texte veut nous dire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une application? Moi, j'ai écrit trois choses. Tout d'abord, je n'ai pas encore traité le verset 7. La conclusion. Un petit strophe. Parce que dans la conclusion, l'auteur semble enseigner que le combat est cessé et maintenant ce roi peut boire, opérer d'un ruisseau et il peut relever sa tête. Qui indique que la paix est restaurée. Donc, voici le Dieu que nous adorons, le Dieu qui a vaincu les ennemis, le Dieu qui nous invite dans sa paix, qui nous invite auprès de son ruisseau. Nous pouvons le suivre parce qu'il est prophète, prêtre et roi. Donc, on fait face comme David, comme Jésus, comme Paul, aux multiples défis de tous les jours. Mais voici un psaume qui nous invite de nous rappeler. Dieu est roi. Dieu est dans la position dominante. Il nous invite de le suivre. Pendant l'été, peut-être le credo de Nathan, c'est « Fiche-moi la paix. J'ai pas de problème. Tout est calme. » Donc peut-être le psaume 110 n'est pas le plus approprié pour le premier dimanche du mois d'août. Mais sur l'horizon, on voit l'automne arriver avec ses multiples défis. N'oubliez pas, Jésus est roi. Et il nous invite de le suivre. Il nous invite de boire auprès de ses ruisseaux où lui, il a assuré la victoire. Mais une deuxième application, me semble, se trouve dans cette allusion en Colossiens chapitre 3 et le verset 1er. Puisque vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et encore, cette idée que Dieu nous invite à cause de l'ascension, la résurrection et l'ascension de Jésus, il nous invite d'orienter toute notre façon de penser d'une façon selon Jésus. Et il nous invite de changer notre perspective parce que Jésus se trouve dans la position d'autorité. Pas simplement dans nos vies, pas simplement dans notre Église, mais dans le monde entier. Donc, nous avons quelqu'un dans une position d'autorité malgré tout. Troisième chose m'a frappé en méditant le verset 7. Ce Dieu vainqueur, ce Dieu prêtre, ce Dieu prophète, il nous invite de faire face à nos défaites, à nos combats, et vraiment de nous ressourcer auprès de lui. Et peut-être c'est là où, pour le premier dimanche du mois d'août, nous avons un rappel de profiter pendant l'été et de trouver notre repos en lui, celui qui a vaincu nos ennemis et le plus grand, la mort. Le Nouveau Testament a complètement changé l'optique du règne davidique. Le Nouveau Testament nous communique que, oui, nous vivons dans le siècle présent, mais le Messie est déjà venu, donc nous vivons, comme on a souvent vu lorsqu'on a fait le sermon sur la montagne, entre le maintenant et le pas encore. On vit, ben, je n'ai pas pu le mettre en gris, mais on vit dans l'orange. On vit entre l'arrivée de Jésus-Christ et son retour, où on attend le siècle à venir. Mais voici ce qui est magnifique avec ce psaume. Entre le maintenant et le pas encore, dans cette, comme j'ai dit ici, cette époque de l'Église, cette époque de l'Esprit-Saint, malgré les ambiguïtés, malgré le gris, nous suivons un Dieu qui a vaincu la mort et nos ennemis. Donc, si on peut le mettre en grappé, il me semble que le règne de Dieu tel que promis dans le psaume 110. Oups, merci Daniel. C'est que Dieu, il veut régner dans le cœur humain, dans notre Église, dans la société, dans l'univers spirituel, sur la création matérielle, l'ordre écologique, parce qu'il est assis à la droite de Dieu et il nous invite dans son règne. Donc, le psaume 110. Loin d'être un psaume simplement de l'Ancien Testament, c'est un psaume messianique, un psaume qui nous rappelle Jésus-Christ est le plus royal et il nous invite de le suivre. Un partage pour un dimanche chaud. Et Dieu merci que la pluie est venu. Prions ensemble. Nous adressons nos paroles à toi ce matin. Toi qui es roi, toi qui es notre prêtre, toi qui es prophète. Et merci que par ta vie, ta mort, ta résurrection et ton ascension, tu règnes. Et merci Seigneur que tu nous invites de penser aux choses d'en haut, les choses de ton règne, les choses de ta domination, parce que tu te trouves dans la position d'autorité sur tout. Et nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Bonne semaine.